19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Dernier géant de la préhistoire, Yves Coppens vient de s'éteindre mercredi. Sa disparition est un séisme. Professeur au Collège de France, membre de l'Institut et de deux académies, directeur du Musée de l'Homme, Yves Coppens a tout eu. Une vie passionnée, passionnante et heureuse, aimait-il à commenter. Yves avait eu aussi la chance de découvrir des fossiles hors normes, Australopithecus ethiopicus, puis Australopithecus afarensis, la fameuse Lucie, mise au jour en compagnie de Maurice Taïeb et de Donald Johanson. Toutefois, sa notoriété n'était pas issue de la simple découverte de quelques grands fossiles. Conteur hors pair, l'œil vif et brillant, courtois et élégant, il avait su faire aimer à tout un chacun les lointaines origines de l'homme. Devenant à la préhistoire ce que Paul-Émile Victor était au pôle, à Untaziev au volcan, il avait ainsi reçu l'affection d'un public de tout âge, de toutes conditions. Auteur à succès, fidèle parmi les fidèles des éditions Odile Jacob, son dernier ouvrage venait tout juste de paraître. Je l'ai donc contacté lundi pour envisager, sans succès, l'émission d'aujourd'hui. Ainsi s'achèvent plus de 35 années de liens, débutés au cœur du Musée de l'Homme, puis à maintes et maintes reprises, dans l'émission Chroniqueur de France Info, celui-ci venait en voisin. Yves soutenait nos disciplines, l'archéologie pariétale et la grotte de Lascaux, l'environnement passé et présent. Dans les heures les plus sombres de l'archéologie préventive, il s'était aussi largement engagé pour elle, avec son confrère Christian Goudineau, dans les pages du Monde. Notre dernière rencontre, le 15 octobre dernier, était au cœur du musée du Louvre, là même où l'histoire avec un grand H ne commence qu'avec Sumer. J'y animais le débat conclusif d'un colloque intitulé « Pour en finir avec la préhistoire ». Avec conviction, Yves avait alors affirmé la nécessité de faire rentrer l'art préhistorique dans ce grand musée, temple du classicisme. Comment lui rendre hommage ? Toute l'équipe s'est mise à l'écoute de nos nombreuses archives. Chadanthropus uxoris, Elephas anticus ou primiginus, Lysistory, Abel ou Toumaï. Fallait-il inviter un témoin évoquant le parcours du grand homme ? Après concertation, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons décidé de lui laisser la parole. Ultime plaisir de l'entendre, la même où celui-ci se raconte, Yves Coppens et sa mémoire d'éléphant. Je ne suis pas sûr qu'à l'âge où cette passion m'a pris, j'ai eu vraiment des problèmes métaphysiques et des problèmes de m'imaginer ce que je pouvais faire dans l'univers et quelle était ma place. C'est pour ça que je ne sais pas expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai eu cette attirance, cet attrait irrésistible, vraiment irrésistible. Et je crois que l'on raconte qu'à l'époque où on n'est pas pubère, pardonnez-moi du détail, mais c'est comme ça, toute la passion se tourne vers différents domaines. Et en l'occurrence, pour moi, ça a été clairement l'Antiquité, quoi. C'est encore comme ça aujourd'hui. Et ça signifie quelque chose d'intéressant. Ceci étant dit, c'est pas spécifique à ma petite personne. Par le courrier que je reçois, je vois que beaucoup d'enfants, et quelquefois très jeunes, au point que ce sont les parents qui m'écrivent, ont cette attirance. Et je suppose que c'est lié à l'imaginaire. Alors, découvrons vos années Carnac. Carnac, c'est bien entendu ces aliments. Ce fut aussi pour vous un musée à l'époque, je m'en rappelle, tout en longueur et des objets étaient contenus dans des grandes vitrines, un peu d'époque. Oui, vous parlez du musée de la Société Polymathique du Morbihan. Il se trouve que je suis né à Vannes. Et à Vannes, il y a toujours, dans un vieux château du 15e siècle, qui s'appelle Château Gaillard, au cœur de la ville de Vannes, un musée d'archéologie. Et ce musée a été mon rêve pendant des années au travers des vitrines, et puis après quand même quelques années de professionnalisme dans les vitrines elles-mêmes. Mais c'est là, en effet, que j'ai rêvé au sens propre, à la fois dans la bibliothèque et dans le musée d'archéologie, devant des poteries, devant des morceaux de pierre, devant des morceaux de bronze, etc. L'archéologie commence pour vous par des petits objets, des petits pots à sel ? Oui, ben, l'archéologie, elle a commencé comme elle a pu. C'est-à-dire que j'ai été emmené sur le terrain par un vieux monsieur qui devait avoir à ce moment-là l'âge que j'ai aujourd'hui, je pense. Mais je dis toujours un vieux monsieur. Et ce monsieur m'a conduit sur un petit site. C'est la première fois que je voyais un gisement sur le terrain. Et un petit site des rives du golfe du Morbihan qui contenait des poteries fines qui représentaient des petits objets, des petits vases troncs prismatiques qui se sont avérés par la suite être ceux qui retenaient l'eau de mer et qui, par évaporation, obtenaient le sel. C'est la fameuse production du sel de l'Atlantique qui date à peu près de l'époque gauloise ? Oui, alors elle est paraît-il, enfin je le crois volontiers d'ailleurs, beaucoup plus ancienne que ça. Mais celle que j'ai étudiée moi est celle qu'on appelle de la tène, enfin pardon pour ce terme technique, mais ça signifie quelques siècles avant Jésus-Christ. Vous avez ramassé aussi, j'imagine, quelques cailloux. J'ai d'ailleurs fait une collection que je mettais dans des boîtes à chaussures que je récupérais toujours chez les mêmes marchand de chaussures de Vannes qui était charmant, qui était juste en bas d'ailleurs du musée de la Société Polymathique. Toutes ces boîtes à chaussures, je les ai livrées, je les ai offertes au musée de la Société Polymathique du Morbihan, et ces gens trop aimables ont conservé cette collection. Alors dans cette collection, il y a quelques objets importants, il y a quelques pièces intéressantes, mais il y a beaucoup de choses à jeter, et je pense qu'ils attendent que j'ai disparu pour s'en débarrasser. Quoi. Un peu de paléolithique ancien, par exemple ? Très peu, mais j'avais recueilli, notamment dans les falaises du côté de Pénétin, vous voyez, c'est-à-dire vers la Loire Atlantique, des objets, des pierres taillées, souvent isolées malheureusement, mais qui, par leur facture, révélaient plutôt une antiquité plus grande que celle du néolithique qui abondait partout, et à plus forte raison que celle de l'époque gauloise plus récente. Le néolithique, vous en parliez, c'est bien sûr le grand menhir de Locmariaquer, le plus grand menhir qu'on ait en France. 20 mètres. Hein. Énorme, tombé, bien sûr. 330 tonnes. Pardon. Et puis le monument de Gavrinis, tous deux ont bercé votre enfance ? Oui, Gavrinis, bien sûr. Locmariaquer, je n'y suis pas allé tout de suite. C'est un peu une presqu'île, donc il faut vraiment vouloir y aller pour y aller. Comme mes parents habitaient Vannes, mais avaient une maison à la Trinité-sur-Mer, c'est dans cette campagne de la Trinité, de Carnac, de Quiberon, et puis de l'autre côté de Vannes, de la presqu'île de Ruisse, que j'ai beaucoup circulé, et les îles du Morbihan. Ces îles étaient toutes connues de mes petites explorations. Ce sont en fait trois rivières qui se sont réunies par la montée des eaux. Et dans ces îles, il y a bien sûr un certain nombre de menhirs, de dolmens, dont ce dolmen de Gavrinis qui est somptueux, parce que somptueux en ce sens qu'il est un peu plus récent que d'autres. Les autres commencent à 7000 ans, celui-là est plus autour de 5000 que de 7000 avant aujourd'hui. Et toutes ces dalles sont gravées. C'est en ce sens que c'est tout à fait spectaculaire. Il y a comme d'habitude, comme c'est une sépulture, un dolmen, il y a une allée et puis une chambre sépulcrale. Et tout au long de cette allée, on est absolument ébloui par les gravures multiples qui s'y rencontrent. Et puis, il y a un très bel réemploi aussi. Oui, extraordinaire. Ah oui. Alors celui-là m'a échappé. Ça s'est fait après mon départ pour l'Afrique. Un collègue a donc nettoyé, si on peut dire, le tumulus, et il a vu que la dalle de couverture de la salle sépulcrale portait des gravures, non pas du côté interne, du côté du sépulcre, mais sur le dessus, c'est-à-dire la partie couverte. Et comme les gravures en question étaient au bord de la dalle, il s'est dit que cette dalle était cassée et était une dalle de réemploi. Et la chance a fait que des recherches, à ce moment-là d'ailleurs, des recherches contemporaines, ont apporté cette preuve en découvrant à Locmariaquer, à quelques kilomètres de là, mais sur le continent cette fois, deux dalles de dolmen qui portaient la suite du dessin en question. Donc le dessin, il faut le trouver dans deux dalles, deux orthostates de montant de certains de ces dolmens, et puis la dalle de couverture de Gavrinis. Donc ça veut dire qu'il y a eu une première période mégalithique importante, et puis On a brisé les idoles, comme souvent. L'iconoclasme. Oui, et puis on a reconstruit finalement une autre culture mégalithique à partir des éléments de la première et avec des éléments nouveaux. Yves Coppens, bien plus tard, vous avez œuvré au classement du patrimoine de l'humanité donc pour ces menhirs de Carnac. Ce que je ne savais pas, c'est que votre famille était propriétaire des alignements de Carmario. Ben moi, je ne savais pas non plus, en fait. Et ça m'a été dit par des gens de la famille qui m'ont dit « tu devrais rechercher parce qu'il me semble que ta famille maternelle, enfin ma famille grand-maternelle en fait, a été propriétaire d'un de ces alignements ». Et j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé l'acte de vente, fin du 19e siècle, l'acte de vente de ces alignements de Carmario par ma famille à l'État. Alors j'ai bien regardé, ce n'est pas qu'une cession. Je suppose que c'était devenu monument historique, donc il ne pouvait plus en rester propriétaire. Mais c'est véritablement une vente. Alors, je n'ai pas vu le prix, mais ça devait être une sorte de franc symbolique, quoi. Après le temps des prospections, j'imagine qu'il y a eu le temps des fouilles, le temps des premières publications. Quand j'ai commencé mes études supérieures à Rennes, j'ai continué à la Sorbonne. Et quand j'ai commencé à Rennes, je me suis tout de suite inscrit aux enseignements peu statutaires, d'ailleurs très, très confidentiels, des circonscriptions des antiquités préhistoriques et historiques. C'est-à-dire aussi bien des gens qui étaient spécialistes de la préhistoire que ceux qui étaient spécialistes des périodes historiques, c'est-à-dire en particulier romaines, médiévales, etc. Et j'ai proposé mes services à ces gens qui s'en sont servis. Et je n'ai plus eu de vacances dans ma famille. J'ai passé tous mes congés d'étudiant sur des chantiers de fouilles. Et j'ai eu la chance de participer à des chantiers fantastiques comme celui de Barnenez, qui est la fouille d'un tumulus qui était inconnu et qui a plus de 100 mètres de long, 40 mètres de large et 6 à 8 mètres de haut et qui contient 12 dolmens parallèles, ce qui est très impressionnant. C'est comme une pyramide, enfin, c'est immense. Qui a d'ailleurs été utilisé en carrière. En 1954, vous voici à la Sorbonne devant un grand tournant, Jean Piveteau. Vous faites deux propositions entre microfaune et proboscidien. Vous choisissez quoi exactement? Oui, vous savez, c'est un petit peu comme l'attirance par l'archéologie. Sur le plan psychanalytique, ça doit pouvoir se comprendre mieux que je ne le comprends moi-même. Et là, en l'occurrence, Jean Piveteau m'a proposé des grosses bêtes et des petites bêtes. Et ce sont les grosses bêtes qui m'ont séduit plus que les petites. Et donc, je suis devenu un peu spécialiste des proboscidiens, c'est-à-dire des bêtes à trompes. Et les bêtes à trompes qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement diversifiées, et qui, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas réduites aux éléphants ou aux mastodontes qui les précèdent. Et comme ces bêtes sont très diversifiées et qu'elles évoluent vite, elles sont très précieuses pour le géologue et le paléontologue parce qu'elles datent forcément. À partir du moment où elles évoluent, ça veut dire qu'elles changent. Et comme elles changent, leur découverte indique souvent l'âge relatif au moins de la couche qui les contient. C'est un bon marqueur. C'est un superbe marqueur. Vous semblez avoir un attachement particulier avec ces éléphants. Une drôle de bête, dites-vous. Oui, c'est-à-dire qu'il se trouve que très très vite, j'ai été confronté à un mammouth en caisse qui avait été offert au Muséum d'Histoire Naturelle en 1912, que j'ai redécouvert dans des caisses en 1957, c'est-à-dire qu'il n'avait pas été véritablement déballé depuis. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'une partie avait été exposée en 1914, je crois. Et je l'ai mis sur pattes, je l'ai mis sur pied, ce mammouth. Et là aussi, il y a un retour curieux, c'est-à-dire que, rendez compte, j'ai mis ce mammouth de Sibérie sur pied en 1957. On peut le voir, hein, qui est dans la galerie de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle, encore aujourd'hui. Et en 1999, rendez compte, j'ai eu la possibilité d'aller en Sibérie pour en découvrir d'autres, cette fois, sous la forme de cadavres dans leur sol gelé. Le fameux Jarkov. Le fameux Jarkov, pour commencer, mais il y en a eu d'autres, hein. C'est le premier Jarkov, celui de 99. Oui. Vous avez aussi disséqué des éléphants? Vous savez, quand on est jeune, on est un peu provocateur. Et un jour, devant le professeur, le patron du laboratoire d'anatomie comparée, sous une forme un peu de plaisanterie, mais qui n'a pas comprise comme telle, je lui ai dit, si par hasard, un jour, vous avez un éléphant dans votre laboratoire, appelez-moi, ça m'intéresse. Et il a eu une éléphante qui était morte au zoo de Vincennes. Et il m'a appelé. Donc, je me suis trouvé face à Micheline, et Micheline faisait 3 tonnes, et avec de grands couteaux, dans une sorte d'immense hall dans lequel il y avait 6 cuves de 2000 litres pour conserver les pièces dans du formol, et puis un chariot au plafond avec d'énormes crochets pour bouger les pièces, parce que les 3 tonnes, je ne pouvais pas les bouger moi-même. Donc j'ai découpé Micheline en morceaux, c'est vrai, et j'ai étudié toute la myologie. Alors pourquoi les muscles sont intéressants? Parce que quand on est paléontologue, on a accès surtout aux ossements, sauf en Sibérie où on a des cadavres. Et comme on n'a pas les muscles sur les ossements, l'intérêt de cette dissection m'a fait aller des muscles aux os, et donc je pouvais désormais aller des os aux muscles. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. 1960, vous voici au Tchad, Fort Lamy tout d'abord, puis Fayal Arjo, les falaises de Langama. Oui, ça aussi c'est une occasion, hein. J'étais très tenté par les voyages, de manière générale, et puis par l'Afrique, de manière toute particulière. Il se trouve qu'un de mes vieux collègues de l'Institut de paléontologie du Muséum avait reçu des ossements du Tchad, des ossements fossiles du Tchad, pour détermination. Il n'a pas eu le temps de le faire, il me les a confiés, et moi j'ai étudié ces ossements, il y avait des éléphants d'ailleurs là-dedans, et ça m'a permis de partir au Tchad, et quand même j'y ai passé 7 années, enfin une saison par an bien sûr, pas 7 années de résidence, mais 7 années de recherche, et j'ai passé un temps merveilleux. Je pense que dans l'histoire de chacun, le premier contact avec une grande région, un grand pays, un grand désert, est le plus important. C'est-à-dire que je suis plus attaché au désert, qui a été mon premier contact, qu'à la toundra, qui a été non pas mon dernier contact, mais parmi les derniers, qu'à la forêt, que je n'ai connue que beaucoup plus tard. Au Tchad, vous trouvez, avec Françoise Le Guenec-Coppens, un très beau fossile, que j'ai vu d'ailleurs, Tchadanthropus uxoris. Oui, ce qui a été formidable, c'est que je suis arrivé au Tchad en janvier 60, et dès 61, j'ai eu mon premier fossile humain, et la petite communauté française de Fort Lamy à cette époque, et pas Djamena, se moquait de moi, j'étais un jeune toutou, hein, en disant, il vient chercher le Tchadanthrope, et quand j'ai pu trouver ce crâne, bien sûr que je l'ai appelé Tchadanthrope, ça va de soi. Et pourquoi Uxoris? Uxoris, parce que c'est ma femme qui l'avait, de l'époque, qui l'avait regardé de face, et qui avait eu l'idée de retourner le fossile pour le comprendre. Lorsque moi j'avais vu ce fossile, j'avais pris cet ensemble, il faut le voir hein, pour comprendre, c'est que c'est un ensemble à la fois d'os et de cailloux, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit au premier coup d'œil, et j'avais pris ça pour une vertèbre et plus volontiers pour un axis comme il y a un trou, la deuxième vertèbre cervicale. Et en fait, c'était bel et bien un morceau, un fragment crânio-facial. Et Uxoris, ça signifie l'homme du Tchad de l'épouse. Vous l'avez publié d'ailleurs comme un australopithèque, chose qui n'est plus aujourd'hui? Oui, c'est-à-dire que pour une analyse fausse, j'ai eu raison, puisque finalement l'australopithèque du Tchad a été découvert bien longtemps après, le premier en 1994 par Michel Brunet, qui m'a fait d'ailleurs co-signer son australopithèque en souvenir de mes premiers pas au Tchad. Oui, j'étais un peu obsédé par le fait que beaucoup de ces pré-humains qu'on appelle australopithèques avaient été découverts en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, et que ça pouvait en être un aussi, d'autant plus que la face est très concave, et c'est peut-être une histoire d'altération dans le gisement lui-même. Mais cette face concave m'a un peu dérouté, et je l'ai pris pour un pré-humain, alors qu'il s'agit probablement d'un humain bien moins ancien que je l'imaginais au départ. Parallèlement, vous avez vu les sites de Corotoro, là même où 30 ans plus tard, donc, Toumaï était découvert. Toumaï, bien sûr, le plus vieux préhumain actuellement connu. Pourquoi ne l'avez-vous pas trouvé, Yves Coppens? Parce qu'il se cachait. Vous savez ce que c'est que la recherche, hein. On est sur un terrain, on ramasse beaucoup de choses, mais pas ce que l'on espère. Et quelquefois, on le trouve d'ailleurs. Mais d'autres fois, c'est un collègue qui passe par là et qui le découvre. Moi, je me souviens d'un ami qui travaillait à l'Odève. L'Odève, c'est dans le sud de la France, du côté de Montpellier, et qui y a passé des saisons et des saisons avec l'espoir de trouver quelque chose d'important, en notant notamment l'ichnologie, c'est-à-dire les traces, les empreintes d'animaux. 400 millions d'années, hein, c'est très ancien, permien. Et en fait, ce sont deux collègues qui sont passés par là pour voir un peu le site, qui ont trouvé ce qu'ils cherchaient depuis des années. Mais ça n'a pas d'importance, hein, l'essentiel c'est de trouver. En 1967, vous cofondez l'expédition internationale de l'Homo avec un très beau parterre de scientifiques, Clark Howell, Leakey. Oui, l'histoire est partie d'une visite de l'empereur. L'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, avait fait une visite à Nairobi, au Kenya, et il avait été conduit au musée de Nairobi. Et au musée de Nairobi, Louis Leakey, qui était le grand patron britannique à ce moment-là de la paléontologie dans toute cette région, lui avait montré les fossiles de préhumains et d'humains très anciens qui avaient été découverts, notamment par lui, en Tanzanie et au Kenya. Et l'empereur, qui était très vif, a répondu « Mais pourquoi la Tanzanie et le Kenya? Pourquoi pas l'Éthiopie ?» Et Leakey a sauté sur l'occasion en disant « Mais Majesté, on peut en effet monter une expédition en Éthiopie. » Et l'empereur, toujours aussi vif, a tout de suite réagi en disant « Oui, mais quel soin international ! » Et c'est pour ça que Louis Leakey a appelé son collègue américain Clark Howell et qu'il a appelé son collègue français Arambourg. Et comme Arambourg avait 82 ans, il est venu me chercher en disant « On va y aller ensemble, j'aimerais bien que vous preniez en main cette histoire, évidemment. » Ça a été une grosse expédition. Ça a été, je sais pas, une quinzaine de véhicules, une cinquantaine de personnes. Et moi-même, dans mon propre tiers, puisqu'il y avait une partie britannique, une partie américaine, une partie française. Dans mon propre tiers français, je suis arrivé jusqu'à un effectif de 50 personnes. En 1972, vous créez une autre mission, cette fois-ci dans l'Afar. Ça s'est enchaîné, quoi. C'est-à-dire que j'étais déjà en Éthiopie depuis un certain nombre d'années, vous voyez, 67-72, lorsque un collègue géologue, Maurice Taïeb, qui faisait de la géologie encore une fois, hein, qui s'intéressait d'ailleurs pour sa thèse, au bassin de la rivière Awash, est venu me voir avec un reste d'éléphant, un fossile d'éléphant, en me disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et je lui ai dit « C'est un éléphant fossile qu'on appelle Reiki et qui a entre 2 et 3 millions d'années. » Et je lui ai dit « Cherche encore. » Et il est revenu l'année suivante avec d'autres fossiles. Et puis, trouvant un certain nombre de restes intéressants, importants, on a mis sur pied, en effet, une autre expédition, toujours en Éthiopie, mais à 1000 km de la première. Hein, quelquefois, on confond les deux. L'Homo, celle de 67, c'est dans le sud-ouest, et l'Afar, c'est dans l'est, plein est, et c'est dans une dépression, et une région désertique aussi. Et on a mis sur pied cette expédition en 72, avec deux Français à la base, si j'ose dire, Taïeb et moi, et deux Américains, Johansson et Kalb. En 1974, ce sera bien sûr la découverte de Lucie, un fossile qui restera longtemps l'Australopithèque le plus complet. Comment se fait-il que cet Australopithecus afarensis ait ce statut d'exception, une sorte de fossile emblématique? C'est difficile à dire, parce que les emblèmes, comme vous savez, les symboles, ça ne se construit pas de manière ordonnée comme ça. On ne dit pas, voilà, ce sera désormais le symbole de l'histoire de l'origine de l'homme. Mais il s'est trouvé que ce fossile représentait par 52 ossements, ce qui n'est pas beaucoup sur l'ensemble des ossements d'un corps, puisqu'on en a 206. 52 ossements, c'est quand même pas mal. Ça a permis de reconstituer l'être en question, et en tout cas sa silhouette. Et la silhouette l'a fait vivre, et le fait d'avoir face à soi un petit personnage que l'on voyait sur pied, un petit personnage qui était en effet petit, 1 mètre, 1 mètre 10, qui était en effet exotique, qui était sans doute à l'origine ou qui participait à l'origine de l'homme, qui était là-bas au fond de l'Éthiopie et qui était en plus un sujet féminin. Tout ça a rendu le personnage attachant, d'autant plus qu'on lui avait donné ce prénom de Lucie. Et je suppose que c'est tout ça réuni qui a fait que c'est devenu, à l'heure actuelle encore, hein, toujours, vraiment le symbole de l'histoire de l'homme. On a trouvé plus ancien, on a trouvé plus complet, mais Lucie reste l'espèce de petit symbole attachant, sympathique, qui survole toute l'histoire. Ce que vous comptez, c'est aussi l'aventure de mission, autant d'histoires de scorpions et de cobras cracheurs. Quel que soit le terrain, la vie de camp, le terrain garde toujours cette magie, la possibilité d'être les premiers dans des lieux improbables, seuls en Afrique. Ça fait partie aussi de mes rêves d'enfant, si vous voulez. Les rêves de voyage et les rêves d'exotisme, dans le meilleur sens du mot, n'ont cessé de me hanter. Et donc, dès que j'ai pu partir, je suis parti. Et je n'ai jamais ressenti quelque angoisse que ce soit, ou que ce soit. Je veux dire que parfois, on n'avait pas de carte. Hein. Pas de GPS non plus. Au Tchad, j'avais des cartes officielles au millionième. Et puis, j'avais des minutes photogrammétriques au 100 millième. Et donc, on partait comme ça. Quelquefois, je suis parti avec un seul camion. Donc, si le camion tombait en panne, ben, j'étais en panne moi-même, sans pouvoir me signaler. Alors, j'avais un appareil radio, mais qui ne marchait pas bien, qui n'a jamais marché, d'ailleurs. Heureusement qu'on fait ça à un certain âge. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne prenais pas ces précautions, on me les ferait prendre, et ça n'aurait pas la même saveur. Et quant au sud de l'Éthiopie, l'est un peu moins, mais le sud de l'Éthiopie, comme j'étais à 1000 km de Nairobi et presque 1000 d'Addis Abeba, je ne pouvais pas être plus loin, quoi. Je ne pouvais pas être plus isolé que je ne l'étais, et c'était un bonheur. Quoi qu'il en soit, vous avez participé à toutes les instances scientifiques, reçu tous les honneurs, sauf peut-être le prix Nobel, qui n'existe bien sûr pas pour notre discipline. Toutefois, le Nobel vous a invité. Oui, ben, moi et d'autres, mais le comité Nobel a été très intrigué par le fait qu'on faisait du bruit, quoi, que la communauté des paléoanthropologues faisait du bruit. Et ce comité Nobel a organisé un colloque en 1978 et a invité, je me sens entre guillemets, parce que comme je suis dedans, c'est un peu prétentieux, mais en gros, les chefs d'équipe, les chefs d'école du monde entier, et on était 18. Donc vous voyez que ce n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé, l'effectif est beaucoup plus important. Et j'ai même reçu une médaille de l'Académie royale des sciences de Suède, en présence du roi qui est devenu presque un ami, si j'ose dire. Yves Coppens, vous l'écrivez. Sur le plan politique, j'ai mangé à tous les râteliers, convaincu que la science n'avait pas de couleur. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas compétent, si vous voulez. Je m'intéresse, bien sûr, comme chacun, à la politique en général, à tout ce qui se passe dans le monde, à tout ce qui se passe en France. Et j'ai des opinions, mais ces opinions ne sont pas forcément d'un bord ou d'un autre, et je ne suis pas militant du tout de nature. Donc je suis respectueux d'abord de l'ordre ambiant, et d'autre part intéressé par le bon côté des gens, et en l'occurrence le bon côté aussi des gens politiques. En conclusion, Yves Coppens, le monde de la recherche est un univers impitoyable. La paléoanthropologie, une discipline particulièrement violente. Comment avez-vous fait pour garder cet émerveillement, cette passion d'enfant? Je ne peux pas vous répondre. C'est l'émerveillement des découvertes, c'est l'émerveillement des objets, l'émerveillement devant à la fois la découverte d'objets, mais la découverte d'idées aussi. Et puis le rapport avec les humains, j'aime bien les gens, j'y peux rien, j'aime bien les gens et tous les gens. Je n'ai jamais fait de différence, quelle qu'elle soit, aussi bien d'ailleurs de génération que de couleur, bien sûr, à plus forte raison, ça va de soi. Hein. Et comme j'aime bien les gens, ça m'est facile de voir dans chacun ce qui est intéressant, ce qui est important, ce qui est agréable, ce qui est sympathique. Et je n'oublie pas complètement le reste, mais j'accorde beaucoup moins d'importance au reste. Ouais. Yves Coppens, merci beaucoup. Yves Coppens laisse une importante œuvre, dont plus de 20 ouvrages, dont nombre aux éditions Edith Jacob. Le dernier en date, Mémoire de mammouth, vient de juste de paraître. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrab.fr.